Chapitre 10 de la seconde partie du Pays des fourrures. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures de Jules Verne. Seconde partie. Chapitre 10. Le courant du Kamtchatka. On peut facilement imaginer l'accueil qui fut fait à la jeune Kalumah par les habitants du fort. Pour eux, c'était comme si le lien rompu avec le reste du monde se renouait. Mrs. Mac Nap, Mrs. Ray et Mrs. Joliffe lui prodiguèrent leurs caresses. Kalumah, ayant tout d'abord aperçu le petit enfant, courut à lui et le couvrit de ses baisers. La jeune Esquimaude fut vraiment touchée des hospitalières façons de ses amis d'Europe. Ce fut à qui lui ferait fête. On fut enchanté de savoir qu'elle passerait tout l'hiver à la factorerie, car l'année, trop avancée déjà, ne lui permettait pas de retourner aux établissements de la Nouvelle-Géorgie. Mais si les habitants du Fort Espérance se montrèrent très agréablement surpris par l'arrivée de la jeune indigène, que dut penser Jasper Hobson quand il vit apparaître Kalumah au bras de Mrs. Paulina Barnett? Il ne put en croire ses yeux. Une pensée subite, qui ne dura que le temps d'un éclair, traversa son esprit. La pensée que l'île Victoria, sans qu'on s'en fût aperçu, et en dépit des relèvements quotidiens, avait atterri sur un point du continent. Mrs. Paulina Barnett lut dans les yeux du lieutenant Hobson cette invraisemblable hypothèse, et elle secoua négativement la tête. Jasper Hobson comprit que la situation n'avait aucunement changé et il attendit que Mrs. Paulina Barnett lui donnât l'explication de la présence de Kalumah. Quelques instants plus tard, Jasper Hobson et la voyageuse se promenaient au pied du cap Bathurst et le lieutenant écoutait avidement le récit des aventures de Kalumah. Ainsi donc, toutes les suppositions de Jasper Hobson s'étaient réalisées. Pendant la tempête, cet ouragan qui chassait du nord-est avait rejeté l'île errante hors du courant. Dans cette horrible nuit du 30 au 31 août, l'Icefield s'était rapproché à moins d'un mille du continent américain. Ce n'était point le feu d'un navire, ce n'était point le cri d'un naufragé qui frappèrent à la fois les yeux et les oreilles de Jasper Hobson. La terre était là, tout près. Et si le vent eût soufflé une heure de plus dans cette direction, l'île Victoria eut heurté le littoral de l'Amérique russe. Et, à ce moment, une saute de vent, fatale, funeste, avait repoussé l'île au large de la côte. L'irrésistible courant l'avait reprise dans ses eaux et, depuis lors, avec une vitesse excessive que rien ne pouvait enrayer, poussée par ces violentes brises du sud-est, elle avait dérivé jusqu'à ce point dangereux situé entre deux attractions contraires, qui toutes deux pouvaient amener sa perte et celle des infortunés qu'elle entraînait avec elle. Pour la centième fois, le lieutenant et Mrs. Paulina Barnett s'entretinrent de ces choses. Puis Jasper Hobson demanda si des modifications importantes du territoire s'étaient produites entre le cap Bathurst et la baie des Morses. Mrs. Paulina Barnett répondit qu'en certaines parties, le niveau du littoral semblait s'être abaissé et que les lames couraient là où naguère le sol était au-dessus de leur atteinte. Elle raconta aussi l'incident du cap Esquimau et fit connaître la rupture importante qui s'était produite en cette portion du rivage. Rien n'était moins rassurant. Il était évident que l'Icefield, base de l'île, se dissolvait peu à peu, que les eaux relativement plus chaudes en rongeaient la surface inférieure. Ce qui s'était passé au cap Esquimau pouvait à chaque instant se produire au cap Bathurst. Les maisons de la factorerie pouvaient à chaque heure de la nuit ou du jour s'engouffrer dans un abîme, et le seul remède à cette situation, c'était l'hiver. Cet hiver avec toutes ses rigueurs, cet hiver qui tardait tant à venir. Le lendemain, 4 septembre, une observation faite par le lieutenant Hobson démontra que la position de l'île Victoria ne s'était pas sensiblement modifiée depuis la veille. Elle demeurait immobile entre les deux courants contraires, et, en somme, c'était maintenant la circonstance la plus heureuse qui pût se présenter. Que le froid nous saisisse ainsi, que la banquise nous arrête, dit Jasper Hobson, que la mer se solidifie autour de nous, et je regarderai notre salut comme assuré. Nous ne sommes pas à 200 milles de la côte en ce moment, et en s'aventurant sur les icefields durcis, il sera possible d'atteindre soit l'Amérique russe, soit les rivages de l'Asie. Mais l'hiver à tout prix, et en toute hâte. Cependant, et d'après les ordres du lieutenant, les derniers préparatifs de l'hivernage s'achevaient. On s'occupait de pourvoir à la nourriture des animaux domestiques pour tout le temps que durerait la longue nuit polaire. Les chiens étaient en bonne santé et s'engraissaient à ne rien faire, mais on ne pouvait trop en prendre soin, car les pauvres bêtes auraient terriblement à travailler lorsqu'on abandonnerait le Fort Espérance pour gagner le continent à travers le champ de glace. Il importait donc de les maintenir dans un parfait état de vigueur. Aussi, la viande saignante et principalement la chair de ces rennes qui se laissaient tuer aux environs de la factorerie ne leur fut-elle point ménagée. Quant aux rennes domestiques, ils prospéraient. Leur étable était convenablement installée et une récolte considérable de mousse avait été emménagée à leur intention dans les magasins du fort. Les femelles fournissaient un lait abondant à Mrs. Joliffe, qui l'employait journellement dans ses préparations culinaires. Le caporal et sa petite femme avaient aussi refait leur semaille, qui avait si bien réussi pendant la saison chaude. Le terrain avait été préparé avant les neiges pour les plants d'oseille, de cochléarias et du thé du Labrador. Ces précieux antiscorbutiques ne devaient pas manquer à la colonie. Quant au bois, il remplissait les hangars jusqu'au faîtage. L'hiver rude et glacial pouvait maintenant venir et la colonne de mercure gelée dans la cuvette du thermomètre, sans qu'on fût réduit, comme à l'époque des derniers grands froids, à brûler le mobilier de la maison. Le charpentier Mac Nap et ses hommes avaient pris leurs mesures en conséquence et les débris provenant du bateau en construction fournirent même un notable surcroît de combustible. Vers cette époque, on prit déjà quelques animaux qui avaient revêtu leur fourrure hivernale, des martres, des visons, des renards bleus, des hermines. Marbre et Sabine avaient obtenu du lieutenant l'autorisation d'établir quelques trappes aux abords de l'enceinte. Jasper Hobson n'avait pas cru devoir leur refuser cette permission, dans la crainte d'exciter la défiance de ses hommes, car il n'avait aucun prétexte sérieux à faire valoir pour arrêter l'approvisionnement des pelleteries. Il savait pourtant bien que c'était une besogne inutile et que cette destruction d'animaux précieux et inoffensifs ne profiterait à personne. Toutefois, la chair de ces rongeurs fut employée à nourrir les chiens et on économisa ainsi une grande quantité de viande de renne. Tout se préparait donc pour l'hivernage, comme si le Fort Espérance eût été établi sur un certain solide et les soldats travaillaient avec un zèle qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient été mis dans le secret de la situation. Pendant les jours suivants, les observations faites avec le plus grand soin n'indiquèrent aucun changement appréciable dans la position de l'île Victoria. Jasper Hobson, la voyant ainsi immobile, se reprenait à espérer. Si les symptômes de l'hiver ne s'étaient encore pas montrés dans la nature inorganique, si la température se maintenait toujours à 49 degrés Fahrenheit, en moyenne, 9 degrés centigrades au-dessus de zéro, on avait signalé quelques signes qui, s'enfuyant vers le sud, allaient chercher des climats plus doux. D'autres oiseaux, grands volateurs, que les longues traversées au-dessus des mers n'effrayaient pas, abandonnaient peu à peu les rivages de l'île. Ils savaient bien que le continent américain ou le continent asiatique, avec leur température moins âpre, leur territoire plus hospitalier, leurs ressources de toutes sortes, n'étaient pas loin et que leurs ailes étaient assez puissantes pour les y porter. Plusieurs de ces oiseaux furent pris, et suivant le conseil de Mrs. Paulina Barnett, le lieutenant leur attacha au cou un billet en toile gommée, sur lequel était inscrit la position de l'île errante et les noms de ses habitants. Puis on les laissa prendre leur vol, et ce ne fut pas sans envie qu'on les vit se diriger vers le sud. Il va sans dire que cette opération se fit en secret et n'eut d'autres témoins que Mrs. Paulina Barnett, Madge, Kalumah, Jasper Hobson et le sergent Long. Quant aux quadrupèdes emprisonnés dans l'île, ils ne pouvaient plus aller chercher dans les régions méridionales leur retraite accoutumée de l'hiver. Déjà, à cette époque de l'année, après que les premiers jours de septembre s'étaient écoulés, les rennes, les lièvres polaires, les loups eux-mêmes, auraient dû abandonner les environs du cap Bathurst et se réfugier du côté du lac du Grand Ours ou du lac de l'Esclave, bien au-dessous du cercle polaire. Mais cette fois, la mer leur opposait une infranchissable barrière, et ils devaient attendre qu'elle se fût solidifiée par le froid afin d'aller retrouver des régions plus habitables. Sans doute, ces animaux, poussés par leur instinct, avaient essayé de reprendre les routes du sud, mais arrêtés au littoral de l'île, ils étaient par instinct aussi revenus aux approches du Fort Espérance, près de ces hommes, prisonniers comme eux, près de ces chasseurs, leurs plus redoutables ennemis d'autrefois. Le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 septembre, après observation, on ne constata aucune modification dans la position de l'île Victoria. Ce vaste remous, situé entre les deux courants dont elle n'avait point abandonné les eaux, la tenait stationnaire. Encore 15 jours, 3 semaines, au plus de ce statu quo, et le lieutenant Hobson pourrait se croire sauvé. Mais la mauvaise chance ne s'était pas encore lassée, et bien d'autres épreuves surhumaines, on peut le dire, attendaient encore les habitants du Fort Espérance. En effet, le 10 septembre, le point constata un déplacement de l'île Victoria. Ce déplacement, peu rapide jusqu'alors, s'opérait dans le sens du nord. Jasper Hobson fut atterré. L'île était définitivement prise par le courant du Kamtchatka. Elle dérivait du côté de ces parages inconnus où se forment les banquises. Elle s'en allait vers ces solitudes de la mer polaire, interdites aux investigations de l'homme, vers les régions dont on ne revient pas. Le lieutenant Hobson ne cacha point ce nouveau danger à ceux qui étaient dans le secret de la situation. Mrs. Paulina Barnett, Madge, Kalumah, aussi bien que le sergent Long, reçurent ce nouveau coup avec résignation. Peut-être, dit la voyageuse, l'île s'arrêtera-t-elle encore ? Peut-être son mouvement sera-t-il lent ? Espérons toujours et attendons. L'hiver n'est pas loin, et d'ailleurs, nous allons au-devant de lui. En tout cas, que la volonté de Dieu s'accomplisse. « Mes amis, demanda le lieutenant Hobson, pensez-vous que je doive prévenir nos compagnons ? Vous voyez dans quelle situation nous sommes et ce qui peut nous arriver. N'est-ce pas assumer une responsabilité trop grande que de leur cacher les périls dont ils sont menacés ?»« J'attendrai encore, répondit sans hésiter Mrs. Paulina Barnett. Tant que nous n'avons pas épuisé toutes les chances, il ne faut pas livrer nos compagnons au désespoir. » C'est aussi mon avis, ajouta simplement le sergent Long. Jasper Hobson pensait ainsi, et il fut heureux de voir son opinion confirmée dans ce sens. Le 11 et le 12 septembre, le déplacement vers le nord fut encore plus accusé. L'île Victoria dérivait avec une vitesse de 12 à 13 milles par jour. C'était donc de 12 à 13 milles qu'elle s'éloignait de toute terre en s'élevant dans le nord, c'est-à-dire en suivant la courbure très sensiblement accusée du courant du Kamtchatka sur cette haute latitude. Elle n'allait donc pas tarder à dépasser ce 70e parallèle qui traversait autrefois la pointe extrême du cap Bathurst et au-delà duquel aucune terre, continentale ou autre, ne se prolongeait dans cette portion des contrées arctiques. Jasper Hobson, chaque jour, reportait le point sur sa carte, et il pouvait voir vers quels abîmes infinis courait l'île errante. La seule chance, la moins mauvaise, c'était qu'on allait au-devant de l'hiver, ainsi que l'avait dit Mrs. Paulina Barnett. À dériver ainsi vers le nord, on rencontrerait plus vite, avec le froid, les eaux glacées, qui devait peu à peu accroître et consolider l'icefield. Mais si alors les habitants du Fort Espérance pouvaient espérer de ne plus s'engloutir en mer, quel chemin interminable, impraticable peut-être, ils auraient à faire pour revenir de ces profondeurs hyperboréennes. Ah, si l'embarcation, tout imparfaite qu'elle était, eût été prête, le lieutenant Hobson n'eût pas hésité à s'y embarquer, avec tout le personnel de la colonie. Mais malgré toute la diligence du charpentier, elle n'était point achevée et ne pouvait l'être avant longtemps, car Mac Nap était forcé d'apporter tous ses soins à la construction de ce bateau auquel devait être confiée la vie de 20 personnes, et cela dans des mers très dangereuses. Au 16 septembre, l'île Victoria se trouvait de 75 à 80 milles au nord, depuis le point où elle s'était immobilisée pendant quelques jours entre les deux courants du Kamtchatka et de la mer de Bering. Mais alors, des symptômes plus fréquents de l'approche de l'hiver se produisirent. La neige tomba souvent et parfois en flocons pressés. La colonne mercurielle s'abaissa peu à peu. La moyenne de la température pendant le jour était encore de 44 degrés Fahrenheit, 6 à 7 degrés centigrades au-dessus de zéro. Mais pendant la nuit, elle tombait à 32 degrés, zéro du thermomètre centigrade. Le soleil traçait une courbe excessivement allongée au-dessus de l'horizon. À midi, il ne s'élevait plus que de quelques degrés et il disparaissait déjà pendant 11 heures sur 24. Enfin, dans la nuit, du 16 au 17 septembre, les premiers indices de glace apparurent sur la mer. C'étaient de petits cristaux isolés, semblables à une sorte de neige, qui faisait tache à la surface de l'eau limpide. On pouvait remarquer, suivant une observation déjà reproduite par le célèbre navigateur Scoresby, que cette neige avait pour effet immédiat de calmer la houle, ainsi que fait l'huile que les marins filent pour apaiser momentanément les agitations de la mer. Ces petits glaçons avaient une tendance à se souder, et ils l'eussent fait certainement en eau calme. Mais les ondulations des lames les brisaient et les séparaient dès qu'ils formaient une surface un peu considérable. Jasper Hobson observa avec une extrême attention la première apparition de ces jeunes glaces. Il savait que 24 heures suffisaient pour que la croûte glacée, accrue par sa partie inférieure, atteignit une épaisseur de 2 à 3 pouces, épaisseur qui suffisait déjà à supporter le poids d'un homme. Il comptait donc que l'île Victoria serait avant peu arrêtée dans son mouvement vers le nord. Mais jusqu'alors, le jour défaisait le travail de la nuit, et si la course de l'île était ralentie pendant les ténèbres par quelques pièces plus résistantes qui lui faisaient obstacle, pendant le jour, ces glaces, fondues ou brisées, n'enrayaient plus sa marche, qu'un courant remarquablement fort rendait très rapide. Aussi, le déplacement vers les régions septentrionales s'accroissait-il sans que l'on pût rien faire pour l'arrêter. Au 21 septembre, au moment de l'équinoxe, le jour fut précisément égal à la nuit, et, à partir de cet instant, les heures de nuit s'accrurent successivement, aux dépens des heures du jour. L'hiver arrivait, visiblement, mais il n'était ni prompt ni rigoureux. À cette date, l'île Victoria avait déjà dépassé de près d'un degré le 70e parallèle, et pour la première fois, elle éprouva un mouvement de rotation sur elle-même que Jasper Hobson évalua environ à un quart de circonférence. On conçoit alors quels furent les soucis du lieutenant Hobson. Cette situation qu'il avait essayé de cacher jusqu'alors, la nature menaçait d'en dévoiler le secret, même au moins clairvoyant. En effet, par suite de ce mouvement de rotation, les points cardinaux de l'île étaient changés. Le cap Bathurst ne pointait plus vers le nord, mais vers l'est. Le soleil, la lune, les étoiles ne se levaient plus et ne se couchaient plus sur l'horizon habituel, et il était impossible que des gens observateurs tels que Mac Nap, Rae, Marbre et d'autres ne remarquassent pas ce changement qui leur eût tout appris. Mais, à la grande satisfaction de Jasper Hobson, ces braves soldats ne parurent s'apercevoir de rien. Le déplacement par rapport aux points cardinaux n'avait pas été considérable, et l'atmosphère, très souvent embrumée, ne permettait pas de relever exactement le relevé et le coucher des astres. Mais ce mouvement de rotation parut coïncider avec un mouvement de translation plus rapide encore. Depuis ce jour, l'île Victoria dériva avec une vitesse de près d'un mille à l'heure. Elle remontait toujours vers les latitudes élevées, s'éloignant de toute terre. Jasper Hobson ne se laissait pas aller au désespoir, car il n'était pas dans son caractère de désespérer. Mais il se sentait perdu, et il demandait l'hiver, c'est-à-dire le froid à tout prix. Cependant, la température s'abaissa encore. Une neige abondante tomba pendant les journées des 23 et 24 septembre, et s'ajoutant à la surface des glaçons que le froid cimentait déjà, elle accrut leur épaisseur. l'immense plaine de glace se formait peu à peu. L'île, en marchant, la brisait bien encore, mais sa résistance augmentait d'heure en heure. La mer se prenait tout autour et jusqu'au-delà des limites du regard. Enfin, l'observation du 27 septembre prouva que l'île Victoria, emprisonnée dans un immense icefield, était immobile depuis la veille, immobile par 177 degrés 22 minutes de longitude et 77 degrés 57 minutes de latitude, à plus de 600 milles de tout continent. Fin du chapitre 10 de la seconde partie.